Jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, l'émission qui rencontre des artisans d'art lorrains et alsaciens. Je suis dans l'atelier de Pierre en fille avec Camille la fille et Jules le père. Donc Camille et Jules Détré, merci de me recevoir chez vous dans votre atelier. Merci à vous. Donc vous êtes Camille, la fille, et vous êtes tailleur, tailleuse, je ne sais pas comment on dit. On dit tailleur. Tailleur de pierre. Quel âge avez-vous et est-ce que vous rêviez depuis toute petite de faire ce métier? Alors j'ai 27 ans. J'ai beaucoup rêvé de faire plein de métiers différents, mais quand j'étais toute petite, je crois que ce que je voulais faire, c'était archéologue. Uh-huh. Mais vraiment toute petite. Après, j'ai eu plein d'idées de carrière différentes, mais... Bah du coup, c'est marrant parce que ça rejoint la pierre. Quelle formation avez-vous suivi? À la base, j'avais déjà passé des diplômes, j'avais un niveau bac et du coup, je suis allée au lycée Camille Claudel de Remiremont, dans les Vosges, et j'ai fait un CAP de métier de la pierre en un an. En fait, c'est pour les gens qui ont déjà des études, qui sont assez... qui ne sortent pas du collège et qui veulent changer de formation. Et du coup, ils font des CAP en un an, en fait. Et j'ai passé après mon BP, métier de la pierre, dans ce lycée-là aussi, qui fait tous les métiers de la pierre, la gravure et la sculpture aussi. Et est-ce qu'il y a une rencontre, un événement qui vous a amené au travail de la pierre? Quand je faisais mes... Mon brevet de technicien encadrement de chantier, je ne savais pas trop quoi faire et je suis allée aux portes ouvertes chez les Compagnons du Devoir à Jarville. Et là, j'ai vu tailleur de pierre et peintre en bâtiment. Et du coup, ça m'a donné envie d'essayer ces métiers-là. Et vu qu'il y avait un lycée pas très loin de chez moi, du coup, bah, je me suis lancée dans la taille de pierre. Vous êtes une fille, Camille, vous êtes tailleur de pierre. Est-ce que c'est pas trop physique? Et si jamais c'est physique, est-ce que vous aimez ça? Si, c'est assez physique, mais de nos jours, il y a beaucoup de moyens de manutention pour porter à notre place. Dans tous les cas, je me voyais pas dans un métier où je serais assise sur une chaise devant un ordinateur ou autre. Du coup, le fait de bouger... d'être debout, de travailler un matériau. Enfin, je suis quelqu'un de très manuel, je préfère largement ça. Et en juillet 2014, en échangeant avec votre papa, vous avez eu l'idée, je crois, ensemble, de créer un atelier de pierre en fille. Alors, quel a été le déclic? J'étais dans une entreprise de taille de pierre et puis j'avais envie de faire autre chose. Et c'est là que mon père est venu me voir pour me proposer de nous lancer dans une entreprise comme celle-là, parce que auparavant, quelques mois avant, on m'avait demandé de tailler une borne pour un vigneron du coin de Toul à Bulligny, et ça nous a donné, enfin en tout cas, ça lui a donné l'envie de se lancer dans la commercialisation de ce genre de choses. Et du coup, je l'ai suivi avec plaisir. Et c'est vous qui lui avez transmis, du coup, tout votre savoir-faire, les techniques de la taille de pierre, de sculpture de pierre? C'est ça. Lui, il est commercial. Moi, je suis tailleur de pierre. Je lui apprends à tailler la pierre, à connaître un peu tout ce qui est... technique dans ce métier, et lui m'aide à être un peu plus commercial. Alors, on va aller vers votre papa, Jules. Jules, merci de nous recevoir aussi chez vous dans votre atelier avec Camille. Merci à vous aussi. Donc, vous êtes actuellement tailleur de pierre avec votre fille. Est-ce qu'auparavant, vous avez toujours été artisan d'art? Ah non, pas du tout. Je me suis toujours intéressé à l'art, mais j'étais pas du tout dans ce domaine-là. J'ai fait de multiples travaux. J'ai travaillé dans le chauffage comme technicien, ensuite plus dans le domaine commercial, dans la manutention. Et après, dans le bâtiment, la serrurerie notamment. En fait, c'est en suivant Camille dans sa formation et l'intérêt que je portais pour ce qu'elle faisait, quoi, mm-hmm. qui a fait que lorsqu'on a décidé effectivement de créer cette entreprise, je me suis découvert, en fait, parce qu'on peut vraiment dire ça, découvert une passion. J'avais jamais touché à la pierre auparavant. Il y a bien longtemps, j'avais travaillé à la ferraille. Je suis un fils de sidérurgiste, donc forcément. Et d'ailleurs, on espère développer des choses, des sculptures alliant différents matériaux, comme bien entendu la pierre, le fer, le verre éventuellement. Donc quand on a créé cette entreprise avec Camille, l'envie est arrivée de sculpter très très spontanément. Et puis surtout les premières réalisations, même moi j'étais bluffé d'une part ce que j'étais capable de faire et de ce qu'on peut, je pense que tout le monde est capable de faire avec un vulgaire morceau de caillou. À condition quand même d'avoir le savoir-faire de Camille, j'imagine, et puis un minimum de passion. Vous avez rencontré quelques obstacles? Oui, les premiers, c'est la taille de pierre à l'état brut, c'est souvent utiliser des outils que je vais pas qualifier d'archaïques, mais qui sont quand même rudimentaires, ces marteaux burins. Ça commence par savoir les tenir, et ça je ne savais pas, c'est elle qui me l'a appris. Je pense que je me serais très facilement tapé sur les doigts. Et très rapidement, c'est venu, mais j'en ai encore beaucoup à apprendre. Votre atelier commun de pierre en fille, il est notamment spécialisé dans la confection de bornes vigneronnes, puisque vous faites revivre actuellement la tradition du vignoble champenois, celle des bornes en pierre gravée et sculptée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, je ne sais pas, Camille. Il y a longtemps, en Champagne, pour délimiter les terrains des vignerons et montrer leur à qui appartenaient les vignes, ils mettaient à l'entrée de leur vignoble des bornes avec le logo de leur maison et leur nom pour montrer aux gens que c'était leur vigne, en fait. Il faut savoir que ce sont principalement les grandes maisons de champagne qui faisaient ça. Certains petits producteurs, mais on retrouve surtout les grandes maisons de champagne qui, je pense, pour des raisons de prestige, voulaient montrer effectivement leurs vignes. Mais bon, montrer ces vignes, c'était pas à l'époque, je pense, quelque chose de primordial. Alors qu'aujourd'hui, tous les vignerons souhaitent montrer, emmener les gens dans les vignes. Et c'est ce qui nous a donné cette idée-là pour redévelopper cette activité. Et puis essayer de personnaliser un peu plus par le biais de la sculpture. On a ces cordes-là à notre arc, hein, Camille notamment, quoi, en gravure, en sculpture. Oui. On vous expliquera un peu plus précisément, ultérieurement, la manière dont on procède. Et donc, suite à cette première borne qui avait été créée par Camille, donc on a été sollicité par d'autres, et ensuite on est allé vers eux pour leur proposer. Et on s'est rendu compte que les vignerons portaient un intérêt, enfin le monde de la vigne portait un intérêt à ce qu'on faisait. Et le travail en famille, quand on est artisan d'art, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a une répartition un petit peu de vos tâches? On a entendu tout à l'heure que vous, Jules, vous êtes plutôt spécialisé dans la communication, on va dire, de votre entreprise, la commercialisation. Et vous, Camille, vous transmettez votre savoir-faire à votre papa. C'est ça? C'est ça. Pour ce qui est du travail en famille, après, on se connaît. Du coup, c'est quand même, ça reste plus simple. C'est pas le même rapport qu'on peut avoir dans une entreprise en tant que patron et employé. Il y a des hauts et des bas, mais c'est quand même plus agréable de travailler avec des gens qu'on connaît très bien plutôt qu'avec. Il y a plus cette barrière on peut dire ce qu'on pense. Et pour moi, c'est mieux que de travailler avec des inconnus, quoi, personnellement. Et vous, Jules? Moi, déjà, je trouve que c'est très agréable d'être formé par sa fille. Je pense que c'est pas banal. Oui. Et comme disait Camille, on se connaît bien. Alors, effectivement, parfois, c'est pas toujours facile de travailler en famille, parce que effectivement, il peut y avoir des tensions, des désaccords, et quand on est en famille, bah, parfois, on a effectivement tendance. Il n'y a pas ce côté hiérarchique qu'on retrouve dans une autre société. Donc, c'est quand même souvent cash. On se dit les choses. Alors, ça peut être gentil, parfois, ça l'est moins. Oui. Mais voilà, bon, ça fait partie de la vie de tous les jours, et je pense que tous les deux, on préfère avoir cette relation. Moi, j'ai quand même aussi une expérience professionnelle qui est relativement longue derrière moi. Et je suis très heureux de vivre ça avec elle, de vivre ce côté cash, où on se dit les choses telles qu'il faut qu'elles soient dites, qui n'est pas forcément le cas dans d'autres circonstances. Et est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type en famille, dans votre atelier? Comment ça se passe? Voilà, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on a, comme vous l'avez dit, cet atelier, il existe depuis peu. Donc la journée type ces derniers temps, elle a été surtout la conception de cet atelier. Donc vraiment du partage, et ça aussi c'était très agréable de partager ce boulot-là avec la fille. Nos moyens ne nous permettaient pas de faire intervenir des entreprises. Donc tout ce que vous avez autour de vous, voilà, on est parti d'une dépendance qui était en aglo brute pour aménager une salle de découpe, un bureau, cette pièce dans laquelle on est, où on va pouvoir travailler. Je pense que Camille qui a l'expérience, justement, qui a travaillé dans d'autres ateliers de taille de pierre, va apprécier d'avoir chaud pour tailler la pierre, par exemple. Ouais. Et c'est, voilà, on a envie aussi, tous les deux, de travailler confortablement. On est à la campagne. Ce cadre de vie aussi est important pour nous. Je pense que c'est très important pour elle comme pour moi de travailler dans un cadre agréable. Je pense que tu es d'accord avec moi. Tout à fait d'accord. Et alors, la journée, ça se passe comment? Le matin, vous faites des activités, le soir d'autres, ou ça change tous les jours? Camille? Là, ces derniers temps, conception de l'atelier, mais à côté de ça, des fois, là récemment, j'ai fait quelques sculptures. Par exemple, journée type arrive le matin, boire le café tranquillement, puis après on s'y met gentiment, taille de pierre. On va à notre rythme en fait. Après, ce qui doit être fait sera fait, mais tranquillement quoi. On se donne des objectifs de journée, par exemple ça doit être fini tel jour, ça tel autre jour. Oui. Et puis voilà quoi, après on fait nos journées en fonction de ce qu'on a à faire pour la journée en fait. Il faut expliquer que notamment pour cette activité de borne, puisqu'en fait on a trois activités principales. Cette activité de borne vigneronne dont on vient de parler, mais également une activité de sculpture, d'objets de déco, et également de la rénovation. D'accord. La rénovation, voilà, Camille a été formée notamment pour ça. Moi, je suis issu du milieu du bâtiment, donc j'ai certaines connaissances et compétences en la matière. Alors, bien entendu, on ne va pas se lancer dans la restauration de bâtiments historiques. On n'est pas structuré pour. Mais par contre, on peut faire de la création, de la rénovation, de petits ouvrages. Pour revenir à l'organisation d'une journée. Alors l'organisation d'une journée, voilà, la conception d'une borne, elle va commencer déjà par un travail à l'ordinateur. On a donc suivi des formations, une formation commune, Camille et moi, au CERFAF de Vannes-le-Châtel, pour maîtriser des logiciels de dessin qui nous permettent de modéliser. Donc la journée peut commencer effectivement par cette modélisation sur ordinateur de la forme déjà de la borne, parce qu'elles peuvent avoir différentes formes. Alors justement, on imagine une borne, on voit la borne kilométrique. C'est ce qui fait penser à ça. Alors effectivement, nos bornes, pour la plupart, ressemblent à des bornes kilométriques, mais on a la volonté de leur donner en accord effectivement avec nos clients, parce que c'est toujours un travail qui se fait en communication avec le client. Un échange, et on essaye au maximum de respecter ses vœux. L'idée, c'est aussi d'essayer d'aller vers l'originalité. Pas être originaux, mais aller vers l'originalité. et notamment dans les formes que l'on va proposer. Donc ça, c'est du travail qui se fait au départ par le biais de ce logiciel où on va modéliser donc cette borne. On va avoir une discussion avec le client pour définir de ce que l'on va graver et sculpter. Donc, il faut que ce soit forcément en rapport avec son activité ou sa volonté, parce que ça ne s'adresse pas uniquement aux viticulteurs. Ça s'adresse à qui, alors ? Alors, ça s'adresse aux viticulteurs, mais par exemple, là, en ce moment, voilà, on est en train de réaliser une borne qui s'adresse à un particulier, qui nous a été commandée par un particulier, qui, lui, est en pleine nature, d'ailleurs dans un très joli endroit à Martincourt, au milieu de la petite Suisse Lorraine. Cette borne-là, en fait, elle va être près de sa propriété, mais pour marquer un lieu-dit, pour informer, voilà, d'un lieu-dit, et elle va représenter son petit chalet. Donc, cette borne-là, elle a été travaillée d'abord au niveau informatique. Conception, oui. Au niveau conception, on lui a soumis ce dessin, il nous l'a validé, et là, on est en phase de réalisation. Alors justement, on va faire quelques pas et peut-être se déplacer dans l'atelier pour voir comment est-ce que vous confectionnez une borne Vigneronne. Jules et Camille, est-ce que il y a des perspectives de carrière quand on est tailleur de pierre ? Pour ce qui me concerne, j'espère terminer ma carrière comme ça. En revanche, pour ce qui est de Camille, elle qui la débute, plutôt, oui, bien entendu qu'il y a des perspectives de carrière. Sans être ambitieux, je veux dire, on est au tout début de notre activité. Et voilà, on espère que ça va vraiment se développer parce qu'il y a un réel potentiel et j'espère un jour ne plus être là dans cet atelier et venir dire bonjour à ma fille. Il y aura une place de libre, ça c'est une perspective pour quelqu'un qui pourrait être intéressé. Alors pas dans l'immédiat bien entendu, mais... Et vous Camille, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça ? Non, mais je suis exactement pareil, enfin, j'espère que ça va marcher pour nous. Enfin, en tout cas... Si c'est pour une carrière, en règle générale, dans le métier de la pierre, il y a des entreprises, beaucoup plus qu'on le pense, qui font de la taille de pierre, en fait. On ne dirait pas comme ça, mais c'est pas un métier si éteint que ça, en fait. Donc, je nous souhaite une très bonne carrière. À nous aussi. On vous le souhaite aussi. Et justement, si vous parliez de carrière et de personnes, filles et garçons, la preuve, qui peuvent faire ce métier, tailleur de pierre, sculpteur de pierre, quelles qualités et quel savoir-faire cela demande-t-il ? Des qualités, je pense, patient, méthodique. Parce que c'est un métier qui demande de la précision, beaucoup de précision, en fait. Surtout quand... Nous, on le fait pas, mais les monuments historiques, les cathédrales, les églises, tout ça, c'est des bâtiments qui ont été faits il y a très longtemps, que nous, on rénove les tailleurs de pierre. En ce moment, là, à Nancy, Basilique Saint-Èvre est en pleine rénovation, ça fait quelques années déjà. Et ces pièces-là, elles ont été mises d'une certaine manière, et il faut les reproduire. Il faut être très précis dans la manière dont on taille les pierres pour qu'elles retournent à l'endroit d'où elles viennent, en étant neuves, en fait. Donc, énormément de précision, en tout cas pour ça. Beaucoup de patience. Oui. Et puis... il faut aimer travailler de ses mains, travailler ce matériau qui, en fait, paraît très froid, qu'il ne l'est pas du tout. Pourquoi il n'est pas froid, le matériau ? Voilà, on a toujours l'impression que la pierre, c'est quelque chose de très froid. Et en fait, non, c'est... Quand elle est travaillée, elle est très douce, la pierre. Et puis, ce qui est intéressant dans ce genre de matériau, c'est que dans un même bloc... Vous en coupez deux morceaux. Il n'y en a pas un qui se ressemble. On peut tomber sur des vrais trésors à l'intérieur, des petits amas de matière qu'on n'imaginerait jamais trouver là-dedans. Et on a des fois des très bonnes surprises. Et c'est vrai qu'une fois que la pierre est polie, elle est toute douce. Enfin, c'est vraiment agréable à toucher, en fait, en tout cas. Et vous, Jules ? Moi, je pense que la qualité principale, et je suis bien placé pour en parler, c'est l'envie. C'est la première qualité, je pense, avec l'envie, je pense qu'on réussit beaucoup de choses. Alors, évidemment, je rejoins Camille. D'ailleurs, c'est elle qui me fait toujours remarquer que je ne suis pas suffisamment méticuleux, pas suffisamment méthodique, pas suffisamment précis. J'espère un jour y arriver, mais ça fait partie de la formation qu'elle... qu'elle m'apporte. Mais je pense, voilà, oui, moi, si j'ai un message, je pense qu'on peut arriver à beaucoup de choses quand on a réellement envie. Si vous deviez donner un conseil à un jeune qui souhaiterait se lancer et créer son propre atelier de sculpteur, tailleur de pierre, quel conseil ? Je vais revenir sur l'envie, c'est la première chose, parce que c'est quand même, c'est quand même un chemin de croix, hein. Faut pas se voiler la face. Il y a quand même des difficultés. Il y a avant tout, comme le disait Camille, la première chose, c'est déjà bon une bonne formation avec un bon savoir-faire. De toute manière, il faut savoir que notamment la création de cette activité, c'est par exemple, moi seul, je n'aurais pas pu la créer, j'ai pas les diplômes nécessaires. D'accord, donc il faut des diplômes. Donc il faut quand même, voilà, il faut quand même ces diplômes. Bon, Camille les a, je pense que je ne les passerai plus maintenant, moi. Mais en tout cas, j'aurai le savoir-faire. Mais voilà, c'est déjà une des conditions requises. Oui. Il faut suivre une formation, il faut avoir un diplôme. C'est la porte d'entrée et c'est la moindre des choses pour être... un bon artisan d'art. Voilà, je pense que c'est la moindre des choses. Et quand on veut être artisan d'art, je pense qu'il faut avoir aussi de l'imagination. C'est important, l'imagination. C'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui fait vivre les artisans d'art. C'est leur imagination, c'est ce qui permet de réaliser des choses peut-être que les autres ne font pas ou différemment. Je pense que c'est important aussi de se différencier. Et vous, Camille ? Il faut déjà avoir envie de, enfin, avoir une formation parce que le métier de tailleur de pierre, bah, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça. Il faut avoir, voilà, une certaine base sur les connaissances du matériau, de la manière dont ça se travaille. Je pense que avant de se lancer en entreprise, il faut avoir une certaine expérience professionnel de ce métier, parce que c'est un métier du bâtiment sans être un métier du bâtiment. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre comme ça, mais c'est assez spécial. C'est pas comme un maçon ou une bonne formation et puis exactement avoir une idée que les autres n'ont pas encore eue, parce que ça reste un métier artistique. Enfin, la taille de pierre, en règle générale, c'est plus quelque chose d'artisanat. Si on veut se démarquer, il faut réussir à trouver quelque chose que les autres n'ont pas eu encore l'idée de faire. Je pense comme dans beaucoup de métiers, en fait. Mais c'est vrai que la restauration de monuments, du dallage, des escaliers, il y a énormément de... Enfin, énormément. Ça se fait déjà beaucoup. Je pense que il faut réussir à sortir du lot. Pour terminer, si vous aviez trois mots-clés pour définir votre atelier de pierre en fille, quels seraient-ils ? Alors Jules, trois mots-clés. Moi, ils viennent de venir tout de suite et ils sont simples. Ils sont pierre, fille et père. Tout simplement. Tout simplement. Et vous, Camille ? Non, je sais. Désolée. Est-ce que vous avez des projets en cours, nouveaux ? Là, vous travaillez actuellement sur des bornes vigneronnes. Vous faites de la sculpture, de la taille de pierre. Est-ce qu'il y a des projets en cours qui vont venir ? Oui, bien sûr. La suite à notre formation au CERFAV, donc les métiers du verre, l'idée nous est venue, créer une gamme de lampes qui associe la pierre et le verre. Et on a donc une réalisation déjà sur la base d'un masque africain avec une coiffe qui a été réalisée par un vitrailliste qui est un de nos voisins, qui vient d'arrêter son activité puisqu'il est en retraite, mais qui a eu la gentillesse de reprendre ses outils et de retravailler avec nous et de nous faire une coiffe magnifique sur ce masque. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu ce qu'on est en train de voir, la coiffe, tout ça? Donc un masque africain, c'est Camille d'ailleurs, qui a dessiné, choisi les formes, l'idée d'ailleurs de création de ce masque africain. Donc la coiffe a été réalisée en vitrail Tiffany. Donc c'est une technique particulière de vitrail avec des jonctions en cuivre recouvertes d'étain. Et la coiffe est dans les tons orange. Il utilise d'ailleurs des verres américains, des verres qui sont très jolis. En tout cas, nous, on les trouve très jolis. Et donc, on a percé ce masque pour y amener une ampoule et amener la lumière sur ce masque. Et quand le masque, du coup, est éclairé, quelle couleur est-ce qu'on peut voir sur ce masque? Il est dans un dégradé d'orange et jaune. Et vous, Camille, d'autres projets? Oui, on a un escalier en rénovation à faire, en plaquage de pierre, un vieil escalier en massif qu'il faut qu'on refasse. Et puis, on a une commande de sculpture d'un ours et d'un pingouin en pierre. Un ours et un pingouin en pierre. Tiens, c'est intéressant. C'est peut-être à cause de la neige, on a l'impression d'être au pôle, du coup ça nous donne envie de faire des ours et des manchots, oui, avec notre style. Oui, je pense que c'est important aussi de j'ai envie de parler de notre style en matière de sculpture, parce que ça c'est aussi un peu une découverte, c'est qu'en fait on s'aperçoit, on n'a pas les mêmes envies ou les mêmes inspirations. Oui. En revanche, dans la traduction au niveau des sculptures, on aime tous les deux la même chose, c'est-à-dire réaliser des formes les plus épurées possibles, oui. Mais que... qu'on sache ce que c'est, que ça représente effectivement que ça représente quelque chose, mais avec vraiment les lignes les plus épurées. Des exemples peut-être? Eh ben quand on parlait de cet ours et de ce pingouin, d'ailleurs vous le voyez, les auditeurs ne le verront pas, mais vous le voyez. Si, ils le verront. Ils le verront sur la page Facebook. Et cet ours-là par exemple. J'ai essayé, puisque c'est moi qui l'ai sculpté, de lui donner un mouvement. Quand Camille disait tout à l'heure que la pierre n'est pas un élément froid, moi je le vois comme ça aussi. Je vois, justement, pour moi elle n'est pas froide, à partir du moment où on peut lui imprimer ou lui amener un mouvement. C'est pour moi, c'est ce qui m'intéresse, par exemple, dans la sculpture. Mmh. Voilà, vous voyez cet ours-là, en fait, la difficulté pour moi, d'ailleurs, ça a été de le faire tenir debout, parce qu'il danse. Oui. Et que quand j'ai réalisé cette sculpture-là, toute la partie supérieure, c'était relativement facile. Par contre, comme je voulais qu'il ait cette forme-là, qu'il danse, quand je suis arrivé sur le pied, je me suis dit, techniquement, est-ce que je vais y arriver? Parce que c'est vrai que l'ours, il est sur un pied, il danse, le museau en l'air, il a l'air de bien s'amuser. Hein. Oui, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère pour lui. Et si on parle des autres créations rapidement, donc on a une poule, hein, si je ne me trompe pas. Vous pouvez les décrire à ma place, peut-être? Oui, c'est bien ça, c'était une poule. À côté, on a quoi? On a un éléphant. En fait, on a trois éléphants en tout. Mm-hmm. On a une petite borne avec un serpent maya, une de chevaux, mm-hmm. le fameux ours qui danse, un perroquet qui sort d'une borne et un buste féminin. Camille et Jules Détré, merci beaucoup de nous avoir reçus ici dans votre atelier en Lorraine. Votre site internet sur la page de Main de Maître, ainsi que la formation, les débouchés pour devenir sculpteur tailleur de pierre. Et puis un album photo pour découvrir vos créations, votre atelier. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Le mois prochain, nous irons à la rencontre d'une corsetière qui est installée à Strasbourg. À bientôt. Thank you.